Les TV là sont testées pour voir si au bout de quelques heures elles ne tombent pas en panne. Les frigos également. Voilà. Pareil, ils sont réparés. Réparer, pas nécessairement. Parfois, oui. Parfois, non. Maintenant, il y a des vis cassées. Si nous avons des petites réparations, on fait à l'instant même. Si ça cherche un peu d'autres trucs, il faut attendre qu'on ait une pièce de rechange. Mais en général, ce qui n'est vraiment pas réparable avec des petits moyens, ça part. Vous ne le vendez pas donc, On ne met même pas en vente. Ah oui, c'est ça que je voulais savoir. Tout ce qui sort de chez moi, et Madame Christine le sait, il y a quelque part ça, avec mon cachet, ma signature, et il y a le petit stift vert. Hein? Ça fonctionne. OK, quand ça sort d'ici, ça fonctionne. Ah, oui, ça. Quand ça vient au premier étage, parfois ça ne fonctionne déjà plus. Non, et puis alors, il y a quelquefois des vis, je vais dire, à faux contact, ça peut marcher, 5 minutes après. Ici, on répare ce qu'on peut faire avec les moyens de bord qu'on a. Est-ce que vous avez une formation d'électricien ou... Je suis ingénieur polytechnicien, madame. Une petite formation de Weight Watchers, vous savez. C'est bien, vous avez beaucoup d'humour, ça, Christian.